السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivez sur la chaîne du Markaz de l'Imam al-Shafi'i رحمه الله. Nous sommes toujours dans notre tentative de traduction approximative et résumée des propos de notre noble cher, le cher Abu al-Harith Ahmed ibn Suleyman Baadoukhun Hafidhahullah Ta'ala, dans les explications qu'il a prodiguées et qu'il a octroyées concernant le sujet de la conciliation entre le fait d'apprendre sa religion et d'acquérir des revenus, c'est-à-dire le fait de gagner sa vie, de travailler. Nous étions arrêtés à la mention d'un athar, d'une narration rapportée par l'imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, dans son livre Jami' Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami', dans lequel il fit la mention d'un chapitre qui est la mention de ce qui incombe à l'étudiant en sciences comme travail pour sa famille et gagner sa vie licitement. Il y mentionna que l'étudiant, s'il est le seul à pourvoir financièrement aux besoins de sa famille, alors il est détestable pour lui qu'il cesse son activité professionnelle pour privilégier la quête du hadith au devant du travail qui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Et il mentionna d'autres narrations parmi les narrations des pieux prédécesseurs de cette communauté, notamment une narration de Sofiane al-Thawri, dans laquelle il recommanda d'agir à la manière des braves, c'est-à-dire ceux qui acquièrent leurs biens licites de façon licite, ils acquièrent leurs biens licitement, et dépenses pour leur famille. Et l'imam Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah a également mentionné une narration de Abdul Rahim ibn Suleyman al-Razi qui rapporte: nous étions auprès de Sofiane al-Thawri et si un individu venait à lui pour apprendre, Sofiane alors l'interrogeait concernant ses moyens de subsistance, ses moyens de subsister. C'est-à-dire il l'interrogeait en lui demandant: as-tu un moyen de subsistance? As-tu une source de revenus? Et si cet individu lui répondait par l'affirmative, alors Sofiane al-Thawri lui ordonnait d'étudier. Lui disait alors d'étudier la science. Et Cheikh Ahmed Badouroun expliquait, c'est-à-dire que donc si cet individu qui se rendait auprès de Sofiane al-Thawri pour apprendre, il avait de l'argent de côté, ou il avait un métier, ou il avait un commerce, ou quelqu'un qui dépensait pour lui, donc il avait une forme de source de revenus, alors il pouvait donc se passer des gens et donc se livrer et se consacrer à la quête du savoir. Non. Mais si par contre il n'avait pas de moyens, c'est-à-dire s'il répondait par la négative à Sofiane al-Thawri, alors le fait qu'il n'ait pas de ressources faisait que Sofiane al-Thawri lui ordonnait de chercher à avoir des revenus afin de pouvoir se passer des gens justement. Et Cheikh Ahmed Badoukhoun Hafidhahullah Ta'ala a expliqué que ceci est très important. Car le fait d'avoir une source de revenus, d'avoir une indépendance financière, d'avoir un moyen de subsistance, ceci permet d'avoir l'esprit apaisé. Ceci fait partie des fawa'id et des fada'il du fait de gagner sa vie. Et ceci sera abordé dans le cours de demain, Inch'Allah Ta'ala. Dans l'assise qui sera la troisième et dernière assise. Cette assise est la deuxième et elle était censée être la dernière, mais ce sera la dernière, celle qui sera accompli demain, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le Cheikh Ahmed Badoukhoun a expliqué que donc, ceci est important, car le fait d'avoir une source de revenus permet d'avoir l'esprit apaisé, d'être serein, d'être focalisé sur l'acquisition du savoir, sur la science et son étude. Et ça permet de pourvoir à ses propres besoins ainsi qu'aux besoins de sa famille. Et la personne qui a donc un moyen de gagner sa vie se passe des gens, n'a pas à solliciter les gens financièrement. Ensuite, le cheikh a expliqué que l'étudiant en sciences doit savoir qu'avoir beaucoup de biens et avoir accès à énormément de subsistance, ceci se réunit que très rarement avec la quête du savoir. La focalisation de l'étudiant qui a besoin de travailler, qui est dans une situation qui le pousse à avoir recours au travail, sa focalisation et son objectif, c'est d'avoir de quoi satisfaire ses besoins. Et il mentionna un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam avait dit: a certes réussi celui qui s'est converti et qui s'est vu octroyer en subsistance ce qui lui était nécessaire et à qui Allah a accordé d'être satisfait et de se contenter de ce qu'il a reçu. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah ta'ala, mentionna une invocation du prophète alayhi salatu wa sallam, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: ô Allah, fais que la subsistance de la famille de Mohammed soit la quantité suffisante à leurs besoins. Donc, Cheikh Ahmed Badoukhoun expliqua que l'étudiant donc doit chercher à s'habituer au fait de juste combler ses besoins et qu'il ne cherche pas les choses superflues et qu'il ne doit pas chercher à se concurrencer avec les autres dans l'acquisition des biens de ce bas monde. Car comment cette pratique pourrait être conciliable avec la quête du savant? Et il expliqua que la réalité de la richesse, la vraie richesse, c'est al-qana'a, c'est-à-dire le fait d'être satisfait de ce que l'on a, de savoir se contenter de ce que l'on a. Il mentionna un hadith rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le Sahih de l'imam Muslim, rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, dans lequel il rapporta du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, alayhi salatu wa sallam: la richesse ne réside pas dans la possession de nombreuses choses, mais ceci se trouve dans l'âme. Il expliqua ce hadith en expliquant que le riche n'est pas celui qui possède beaucoup de biens ou qui est un grand commerçant, mais la véritable richesse se trouve dans l'âme, c'est-à-dire le contentement que le serviteur a vis-à-vis de ce que Allah lui a octroyé comme subsistance, et de ne pas chercher les choses superficielles. Et donc, si le serviteur a reçu des biens de la part d'Allah, il a reçu des biens qu'il a acquis licitement, alors il doit être reconnaissant à l'égard d'Allah. Cependant, cette richesse et ces biens qu'il a acquis ne doivent pas être une cause de détournement et de distraction, ne doivent pas le distraire et le détourner du savoir. Surtout si cet individu qui accomplit la quête du savoir veut atteindre les hauts degrés dans l'étude et atteindre une maîtrise dans les sciences. Et c'est pour ça que la recommandation des uléma à l'égard de celui qui veut se consacrer à l'acquisition du savoir et qui souhaite être diligent envers son acquisition, et qui souhaite atteindre les hauts degrés dans l'acquisition du savoir, c'est qu'il se doit de patienter à l'égard de ce bas monde et qu'il ne cherche pas à concurrencer les gens dans ce qui est relatif à ce bas monde. Et le cheikh a mentionné le verset numéro 20 de Sourate Al-Hadid, dont le sens en français est le suivant: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil, entre vous une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Et donc, après la mention de ce verset dont le sens en français vous a été mentionné à l'instant, Cheikh Ahmed Badoukhoun a expliqué que ceci est la réalité de ce bas monde, telle qu'Allah l'a décrite. C'est-à-dire que le fait de se concurrencer, c'est une rivalité vaniteuse. C'est-à-dire que les gens s'y concurrencent dans cette dunya. Celui-là a une belle voiture, celui-là a une grande maison, celui-là a beaucoup de richesses. La réalité de ce bas monde, c'est que la course aux richesses et au fait d'acquérir de plus en plus de biens, yani la course aux richesses qui est accomplie, est une concurrence vaniteuse concernant qui d'entre nous aura le plus de biens, le plus d'enfants, et ainsi de suite. Et donc, si l'étudiant qu'on se met à concurrencer les gens dans ce genre de choses, comment pourra-t-il être un étudiant en sciences? Donc, le cheikh incita à être sur ses gardes vis-à-vis de la tentation de ce bas monde. Et donc, si Allah t'a facilité l'accès aux richesses et aux biens, que ceci ne t'affecte pas d'une façon négative. Et donc, si tu gagnes ta vie, tu as un métier, tu as une source de revenus, tu as un moyen par lequel tu acquiers de l'argent, crains Allah dans cela. C'est-à-dire, par exemple, crains Allah dans ton travail. Préserve-toi des biens acquis illicitement ou par un moyen, un travail dont le jugement est ambigu, c'est-à-dire le jugement est équivoque, il n'est pas clair. Car les richesses sont une fitna, c'est-à-dire c'est une tentation. Et il mentionna le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il avait dit: toute communauté a une tentation, et celle de ma communauté est la richesse. Et beaucoup de gens ne s'efforcent pas à acquérir leurs biens de manière licite. Il est parfois difficile de trouver un travail qui est dépourvu d'ambiguïté, dépourvu d'éléments équivoques, dont le jugement n'est pas clair. Bien que les métiers licites soient présents, ils sont présents, mais on doit faire des efforts et faire des efforts de recherche afin de trouver justement un moyen de gagner notre vie de façon licite, de façon honorable. Et le cheikh a mentionné ensuite un hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que les gens arriveront à une époque dans laquelle l'individu n'aura que faire, se fichera de l'origine de ses biens, est-ce qu'ils furent acquis illicitement ou non. Donc, le cheikh a expliqué que donc il va venir une époque dans laquelle l'individu se fichera de l'origine de ses biens. Est-ce qu'ils furent acquis licitement ou non? Le but durant cette époque que vivront les gens sera simplement d'accumuler les biens, d'accumuler des richesses avec lesquelles ils se concurrencent, ne cherchant pas à acquérir ces richesses et ces biens de manière licite. L'objectif n'étant que les biens leur parviennent simplement, arrivent dans leurs mains. Et donc parmi les enseignements de ce hadith, l'avertissement à l'égard du fait d'acquérir ces biens illicitement. Et également, on en tire que acquérir licitement ses biens, c'est-à-dire de façon licite, légale, dans un point de vue islamique, par un travail légitime, licite, par des voies dépourvues d'ambiguïté, ceci est difficile. Et ceci donc nécessite des efforts et un effort de recherche de la part du serviteur. Et donc, que le musulman, de façon générale, et surtout l'étudiant en sciences, ils se doivent tous deux de s'assurer de la licéité de leurs gains, de s'assurer que leur activité, le musulman se doit de s'assurer que son activité par laquelle il acquiert des revenus soit une activité licite. Et le fait d'agir de la sorte avec piété envers Allah est une cause de baraka, une cause de bien, de bénédiction dans les biens que l'on acquiert. Donc que le musulman cherche à acquérir de façon licite ce qu'il acquiert, en étant véridique et intègre dans sa manière d'agir. Et il mentionna le verset de Sourate At-Talaq, le verset numéro 3, dont le sens en français est le suivant. Et quiconque craint pieusement Allah, alors il lui accorde une issue favorable et lui accordera des dons par des années de sa subsistance, par des voies qu'il ne soupçonnait pas. Ensuite, il mentionna le verset numéro 93 de Sourate Al-A'raf, dont le sens en français est le suivant. Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Et donc le cheikh, hafidhahullah ta'ala, notre cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah ta'ala, dans son allocution, a expliqué que donc les gains licites, les gains acquis de manière licite, de manière légitime, dans un point de vue islamique, parfois ce sont des gains modestes. Mais du fait qu'il y a la piété du serviteur que le serviteur a concrétisé et qu'il est véridique dans sa démarche envers Allah, par le fait de chercher à acquérir ses biens de façon licite, Allah met dans les biens qu'il acquiert une baraka, une bénédiction, un bien. Il y multiplie le bien, Azzawajal. Et il mentionna un hadith unanimement reconnu authentique, c'est-à-dire rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari ainsi que dans le Sahih de l'imam Muslim, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, dans lequel il rapporta du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, alayhi salatu wa sallam, quiconque acquiert un bien de façon légitime, ce bien lui est béni. Et quiconque acquiert un bien de façon illégitime, alors cette personne est semblable à celui qui mange sans être rassasié. Concernant le terme du hadith, de manière légitime, bihaqqi, de façon légitime, le cheikh Ahmed Badoukhoun expliqua cette partie du hadith en expliquant que c'est-à-dire qu'il craint Allah dans ce processus, c'est-à-dire dans ce moyen par lequel il acquiert ce bien, il a craint Allah dans cela. Il agit de façon pieuse. Et Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, a expliqué que l'on tire de ce hadith que celui qui acquiert ses biens de façon illégitime, alors ses biens ne lui sont pas bénis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien pour lui. Car il fut comparé dans ce texte à celui qui mange sans parvenir à la satiété. Et donc, Cheikh Ahmed Badokhoun expliqua que tandis que celui qui aura acquis des biens et aura craint Allah dans le processus, alors ceci lui sera alors béni pour lui et ce sera donc une source de bien pour lui. Ensuite, il mentionne un hadith qui est rapporté par Abu Abdillah Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, qui est rapporté dans la Sahih de l'imam al-Bukhari ainsi que dans la Sahih de l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: certes, le licite est clair et ce qui est illicite est clair, et entre ces deux, il y a des choses dont le jugement est équivoque, que peu parmi les gens connaissent. Quiconque se sera prémuni de ces choses dont le jugement est équivoque aura alors préservé sa religion et son honneur. Mais quiconque se laisse aller à ces choses qui sont équivoques dans leur jugement tombera dans le haram, tombera dans l'illicite. Quel est le sens de ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit: certes, le licite est clair et ce qui est illicite est clair. Cheikh Ahmed Badokhoun expliqua, c'est-à-dire clair pour la généralité des musulmans. La majorité des musulmans connaissent ces choses-là dont leur jugement est connu et dont leur jugement est clair, est connu de tous, ou de la majorité des gens. Et entre eux deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'entre ce qui est clairement licite ou ce qui est clairement illicite, il y a des éléments dont le jugement est ambigu, équivoque, il n'est pas clair pour tout le monde. Donc ça, Cheikh Ahmed Badokhoun a dit, c'est-à-dire ce sont des choses qui peuvent être licites ou qui peuvent être illicites. Peu de gens connaissent le jugement réel, mais ceux qui le connaissent, ce sont les gens de science. Et donc la suite du hadith mentionnant, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna que celui qui se prémunit de ces choses dont le jugement est équivoque aura alors préservé son honneur et sa religion, c'est-à-dire le cheikh a expliqué dans le fait de s'en écarter. Car ces choses dont le jugement est équivoque, ça peut être des choses qui sont haram, mais c'est juste que le serviteur ne le sait pas. Et donc, en agissant ainsi, il a préservé sa religion ainsi que sa réputation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et celui qui se laisse aller yani vis-à-vis de ces choses dont le jugement est équivoque va tomber dans le haram. Ou tombe dans le haram. Et il y a eu deux interprétations concernant cette partie du hadith mentionnée par le cheikh Ahmed Badokhoun. La première interprétation, c'est-à-dire que certains éléments ont expliqué cette partie du hadith en disant que ces choses-là qui lui sont ambiguës, c'est-à-dire dont le jugement n'est pas clair pour le serviteur, elles sont en réalité illicites. Donc, en se laissant aller à ces choses dont le jugement lui est équivoque à lui, il tombe dans le haram, parce qu'il accomplit des choses dont le jugement, en réalité, est l'illicéité, c'est-à-dire le caractère illicite, le caractère interdit. Mais lui, il ne savait pas. Il était dans une situation de confusion. Mais il s'est laissé aller à ces choses, il les a accomplies. Il s'est laissé aller à ces choses et donc du coup il est tombé dans le haram. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est que les ulémas ont dit que celui qui se laisse aller vis-à-vis des choses dont le jugement est équivoque finira à un moment donné par tomber dans le haram. Ceci le mènera à tomber dans le haram. Non, ceci était la deuxième interprétation mentionnée par Cheikh Ahmed Badokhoun. Et donc le cheikh expliqua que le fait de gagner sa vie honnêtement, c'est difficile. Et beaucoup de gens n'accordent pas d'importance à ce sujet. Et le fait de faire en sorte de gagner de façon licite ses biens, c'est devenu un signe distinctif des véridiques parmi les adeptes de la sunna. Il mentionna une narration de Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, dans laquelle il mentionna que Allah a des serviteurs par lesquels il redonne vie aux nations ainsi qu'aux serviteurs. Et ce sont les adeptes de la sunna. Celui qui fait attention quant à la licéité de ce qu'il consomme fait partie du parti d'Allah. Et une autre narration mentionna que le sunnite, l'adepte de la sunna pour nous, c'est celui qui connaît le jugement de ce qu'il consomme, si cela est d'origine licite ou non. Et concernant la narration de Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, Ibn Rajab al-Hanbali l'a mentionné dans un de ses ouvrages et l'a commenté, en disant que ceci étant donné du fait que manger des choses, consommer des choses qui sont acquises licitement, est une caractéristique de la sunna sur laquelle était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiallahu anhu. Et la sunna complète implique que le serviteur se conforme à tout ce qui fut transmis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis un peu plus loin dans son livre, il mentionna, et c'est pour cela qu'il est venu dans de multiples ahadiths, la mention élogieuse à l'égard de celui qui, durant la fin des temps, restera fermement cramponné à sa religion, et qu'il sera telle une personne qui serre dans sa main une braise ardente. Et que l'un d'entre eux qui agit de la sorte, c'est-à-dire en droiture et en piété dans sa religion, donc qu'une personne qui agit de la sorte aura la récompense de 50 parmi ceux les ayant précédés. Car ce genre, ces individus à la fin des temps n'auront pas à leur époque d'aide parmi les gens sur l'accomplissement du bien. Il mentionna une narration du grand imam, l'imam Abu Uthman As-Sabouni, rahimahullah, dans son livre Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith, la croyance des prédécesseurs et ainsi que des adeptes du hadith. Un ouvrage dans lequel il mentionna les caractéristiques des adeptes du hadith et de la sunna. Et parmi ces caractéristiques, il mentionna le fait qu'ils s'enjoignent mutuellement de s'assurer d'agir de façon licite, c'est-à-dire de se conformer à ce qui est licite en islam et de s'écarter du haram dans ce qui est relatif à ce qu'ils consomment en termes de boissons et de nourriture, et dans ce qui est relatif au mariage et aux vêtements. Et Cheikh Ahmed Badrouhoun expliqua cette narration, dont le sens approximatif vous a été transmis en français, en expliquant que, de par le caractère répandu du haram et le fait que peu de gens accordent d'importance au sujet de se conformer à l'islam dans ces aspects-là. Et donc la sunna implique la conformisation, le fait de se conformer avec tout ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien sont nombreux ceux qui se prétendent être sur la sunna, mais consomment des biens acquis de façon illicite. Non. Ensuite, le cheikh, hafidhahullah ta'ala, fit la mention des bénéfices, c'est-à-dire les bénéfices qui découlent du fait de gagner sa vie, le fait de travailler, d'avoir une source de revenus, d'avoir une rentrée d'argent, d'avoir un moyen par lequel on gagne sa vie. Et donc il mentionna qu'il y avait des bénéfices qui en découlaient, le fait d'avoir une certaine indépendance par le fait d'avoir un métier, d'avoir un moyen de gagner sa vie. Et ces bénéfices seront abordés dans l'assise de demain, qui sera, Inch'Allah ta'ala, la dernière, assise bi'idhnillahi azza wa jalla. Et cette assise donc sera consacrée à la mention des fawa'id, c'est-à-dire des éléments bénéfiques qui découlent du fait d'avoir une rentrée d'argent, d'avoir un travail, d'avoir un moyen de gagner sa subsistance. Et si vous avez des questions concernant quoi que ce soit de ce qui a été mentionné dans l'allocution de notre cher en arabe ou dans la traduction résumée et approximative faite par mon humble personne, n'hésitez pas à contacter les responsables du Merkez à travers le site du Merkez ou les réseaux sociaux du Merkez, bi'idhnillah. Nous nous donnons donc rendez-vous demain soir, bi'idhnillahi azawajal, à 18h. Bi'idhnillahi azawajal. Hada wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.